Psaume 66. Cantique de psaume, donné au maître chantre. Toute la terre, jetez des cris de réjouissance à Dieu. Psalmodiez la gloire de son nom, rendez sa louange glorieuse. Dites à Dieu, oh, que tu es terrible en tes exploits, tes ennemis te mentiront à cause de la grandeur de ta force. Toute la terre se prosternera devant toi, et te psalmodiera, elle psalmodiera ton nom, c'est là. Venez, et voyez les œuvres de Dieu, il est terrible en exploit sur les fils des hommes. Il a fait de la mer une terre sèche, on a passé le fleuve à pied sec, et là nous nous sommes réjouis en lui. Il domine par sa puissance éternellement, ses yeux prennent garde sur les nations, les revêches ne se pourront point élever, c'est là. Peuple, bénissez notre Dieu, et faites retentir le son de sa louange. C'est lui qui a remis notre âme en vie, et qui n'a point permis que nos pieds bronchassent. Car, ô Dieu, tu nous avais sondés, tu nous avais affinés comme on affine l'argent. Tu nous avais amenés au filet, tu avais mis une étreinte en nos reins. Tu avais fait monter les hommes sur notre tête, et nous étions entrés dans le feu et dans l'eau, mais tu nous as fait sortir en un lieu fertile. J'entrerai dans ta maison avec des holocaustes, et je te rendrai mes vœux, lesquels mes lèvres ont proféré, et que ma bouche a prononcé, lorsque j'étais en détresse. Je t'offrirai des holocaustes de bêtes moelleuses, avec la graisse des moutons, laquelle on fait fumer, je te sacrifierai des taureaux et des boucs, c'est là. Vous tous qui craignez Dieu, venez, écoutez, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Je l'ai invoqué de ma bouche, et il a été exalté par ma langue. Si j'eusse médité quelque outrage dans mon cœur, le Seigneur ne m'eût point écouté. Mais certainement Dieu m'a écouté, et il a été attentif à la voix de ma supplication. Béni soit Dieu, qui n'a point rejeté ma supplication, et qui n'a point éloigné de moi sa gratuité.